Radio Adventiste Bethany Pétionville vous présente une prédication enregistrée en public. Nous espérons que votre âme sera bénie par les paroles du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères, distingués invités, bonjour et bon sabbat. Sœurs et frères, chers amis, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Amen. C'est un privilège que nous avons à chaque fois que Dieu nous permet de nous retrouver à ses pieds pour l'adorer, lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Nous sommes des bienheureux parce qu'en ce jour, je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes comme nous qui voulaient trouver un moment pareil pour se retrouver au pied du Maître, pour déposer à ses pieds leurs plaintes, déposer à ses pieds leurs problèmes, aussi le remercier pour ses bienfaits. Mais malheureusement, peut-être beaucoup d'entre eux sont malades et il y a même d'autres qui sont déjà passés de la vie à la mort. Mais Dieu nous a fait grâce, il nous bénit, et en ce matin, il nous permet d'être à ses pieds. Pour cela, disons gloire à Dieu. Notre Dieu règne encore, et cela devrait nous rassurer, frères et sœurs, chers amis, malgré les difficultés, malgré les problèmes que le monde est en train de traverser, et particulièrement notre pays, nous n'avons rien à craindre, car celui qui nous garde, c'est l'Éternel des armées, il ne sommeille ni ne dort. À chaque fois que nous avons cette occasion de nous retrouver au pied de l'Éternel, prenons le temps de l'adorer. Prenons le temps d'exalter son nom, de le glorifier, et surtout, faisons place au Saint-Esprit, pour qu'il travaille en nous, pour qu'il agisse en nous et nous permet de comprendre la parole de Dieu et surtout de la mettre en application. En ce matin, je suis très content de pouvoir me retrouver ici à Bethany, puisque c'est ainsi, je n'ai pas toujours cette possibilité parce que je suis un peu dans les provinces, mais à chaque fois que la possibilité se présente à moi, je me sens heureux de me retrouver avec vous, chers et frères, chers amis. En ce matin, nous sommes invités à réfléchir sur un sujet assez particulier, un sujet dont vous êtes déjà habitués avec l'histoire, mais il est important qu'on essaie de comprendre davantage l'amour de Dieu pour nous, de comprendre davantage la miséricorde de notre Seigneur. Nous allons considérer l'histoire d'un juge, mais je dois vous dire avant tout que le livre des juges est venu après la mort de Josué. Josué, le successeur de Moïse, malheureusement, ne s'était pas désigné de successeur. Il est mort après que le peuple d'Israël, Jean que bon Dieu lui te promette ça, il était fini conquérir la Canaan terrestre. Mais cependant, le peuple-là était gagné la responsabilité pour être capable d'installer complètement en Canaan. Puisque bon Dieu te dit, nous avons gagné pour nous capables d'entrer dans la Canaan terrestre, mais nous n'avons pas gagné pour nous éliminer d'un coup les Cananéens. Sinon, terre après le désert. Et ça qui arrive, il y a des bêtes sauvages qui envahissent l'espace. Pour cela, nous avons entré, nous avons installé nous et graduellement, nous avons gagné pour nous capables de chasser les Cananéens du pays. Mais malheureusement, le peuple, au lieu de suivre l'instruction de Dieu, il était amusé pour être capable d'engager ensemble avec eux, pour être capable de lier. Nouer des relations ensemble avec eux au point que pas de différence entre le peuple d'Israël et les Canadiens qui habitaient alors l'espace. Et puisque pas de leader qui menait peuple là malheureusement livré li à la débauche, li livré li dans tout ça que bon Dieu l'était interdit. Et c'est alors Dieu allait frapper le peuple. Le peuple allait être frappé de plusieurs difficultés. Le peuple allait rencontrer beaucoup de problèmes. Les peuples que bon Dieu t'a invité pour être capable de chasser, qu'il t'a dit yo la ba au pouvoir pour être capable d'éliminer ces peuples ça yo qui t'a pral attaquer peuple Israël là et malheureusement, il t'a pral remporter la victoire sous yo. Mais il y a une chose qui est certaine, frères et sœurs. Malgré désobéissance nous, malgré niveau que nous capable vivre dans état de péché d'incrédulité nous, l'amour bon Dieu est toujours manifesté pour nous. Bon Dieu pas carré comme ça pour le peuple la cap détruit. C'est alors que bon Dieu allait susciter des juges. Des juges non pas pour juger le peuple, mais des juges comme de vaillants soldats, comme des administrateurs pour guider le peuple et conduire-le à remporter la victoire. Mais si nous lisons le livre Juge là tout, frères et sœurs, c'est un livre particulièrement, moi je le et les m'appeler, ça permet de comprendre l'amour, profondeur, l'amour bon Dieu a gagné pour nous. À chaque fois que bon Dieu lui suscite un juge, lui mène le peuple là à la guerre, le peuple là lui remporte la victoire. Mais malheureusement, à chaque fois que juge ça yo, yo mouri, peuple là retourner dans même saleté qu'on a fait qui pas bon yo. Lui retourner dans même idolâtrie yo. Lui retourner dans même monde que bon Dieu t'a interdit pour lui lier des relations ensemble avec yo. À travers le livre des juges, nous retrouvons 12 juges qui ont après l'autre été succédés. Et ces 12 juges, ils ont gagné une seule mission pour conduire le peuple dans la bonne voie et aider nous pour être capable de vaincre les ennemis. Et de ces 12 juges, il y avait le dernier que nous allons considérer maintenant, qui parle le moindre, qui c'est Samson. À travers la vie de Samson, nous allons essayer, frères et sœurs, chers amis, de comprendre la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, surtout de comprendre le danger qu'il y a lorsque nous choisissons de désobéir à Dieu, de délaisser les principes que bon Dieu lui-même lui t'a mis pour capable conduire la vie. Nous. Mais faut bien nous remarquer tout. À chaque fois que bon Dieu lui suscite un juge, c'est parce que le peuple là était crié à l'Éternel. Mais cependant, avec Samson qui pral venir, le peuple là n'a pas dit rien à bon Dieu. Parce que le peuple là tellement senti lui aller loin, dans l'esprit, il était dit, je n'ai pas intérêt à le coup de bon Dieu encore. Mais cependant, bon Dieu lui-même, il a réfléchi pour le peuple là. Lorsque nous sentons nous arriver loin, bon Dieu, lorsque nous sentons nous abandonner voie et nous t'a même voulu oublier bon Dieu, chose étonnante, c'est alors que bon Dieu lui a pensé pour nous. C'est alors que bon Dieu lui-même lui a réfléchi pour nous. Ainsi, dans Juges chapitre 13, les versets 1 à 5, Dieu, alors que le peuple lui a partagé dans le péché, les Philistins ont terrassé le peuple, bon Dieu, lui apparaît à la femme de Manoah qui sortit de la tribu de Dan pour lui capable de dire à cette femme, c'est vrai ou stérile, mais moi je vais faire un bagage particulier avec vous. Moi je vais faire un bagage qui est très spécial ensemble avec vous. Vous avez gagné pour capable venir enceinte et vous avez gagné pour capable mettre au monde un enfant. Et c'est cet enfant qui va gagner pour lui commencer à délivrer le peuple d'Israël. Chose dite, chose faite, après un peu d'insistance pour Manoah rencontrer avec cet ange qui s'était adressé à sa femme, li te rencontré avec et de fait li vini enceinte et li mette au monde un enfant que yo te relé Samson. Samson li vle di le batailleur. Samson c'est symbole de force. Puisque les Philistins t'ont terrassé les Israélites, il fallait avoir quelqu'un de vaillant pour pouvoir délivrer le peuple. Mais est-ce que Samson, par rapport à cette mission que l'il t'a gagné, l'État pral répond à mission ça? C'est sous ça nous devons réfléchir matin. Est-ce que Samson t'a répond? Dieu avait une mission spéciale pour Samson, tout comme il a une mission spéciale pour chacun de nous. Présence nous à l'intérieur de l'église n'est pas faite comme ça, comme ça. Et si nous avons remarqué bien, les n'a gardé l'église là de année en année, moun a venu, mais moun sa yo qui venu, qui gens yo fait venir, sous ta commencé par ou même qui gens te fait entrer l'église là. Ou venu l'église là parce que tout simplement gagnent un monde qui était conscient de mission que bon Dieu bali pour être capable à chercher ou il faut une invitation ou venir et cette même mission ou même qui la matin ou gagnel ou gagne doit pas gagne mission même gens avec Samson pour délivrer toute l'église Bethanie matin mais connaît bien qu'on gagne mission au moins pour sauver un âme pour Christ. Est-ce que vous conscient de mission ça? Samson était conscient de la mission qu'il avait parce que c'était une promesse faite par Dieu et qui était matérialisée. Mais cependant, est-ce que Samson l'itabral était dans cette mission que bon Dieu l'était bali? Il y a un texte en plus foi qui fait discussion. Je vous invite à aller avec moi dans Juges chapitre 14. Juges chapitre 14, nous lisons les versets 1 à 3. Et c'est un texte qui commente parce que en pile fois, il y a une tendance pour dire que première décision que Samson l'était prend, c'est parce que bon Dieu l'était vil. Nous allons essayer de comprendre davantage ça qui ressorti comme leçon à travers ce texte. Nous lisons ensemble Juges chapitre 14, versets 1 à 3. Alors que Samson le fin fait, nous dit Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont ainsi circoncis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Prends-la pour moi car elle me plaît. Ce texte lui permet que nous comprenions quelque part, Samson, il te gagne connaissance que bon Dieu, il te mette yon interdiction. Et ses parents qui te adressé à lui-même, yon te connaissent cette parole. Puisque quand il a décrit la famille de Manoa, yon dit de minorité qui te été fidèle à bon Dieu. Alors que tout peuple a t'a partagé dans l'apostasie, la famille de Manoa, il te yon nan famille sa yo. Et ce que son père lui avait dit, à savoir, est-ce que pas gagné des filles parmi nous pour que vous allez vers les Philistins, lui te connaît bien ça, l'a dit, là, puisque dans Deutéronome chapitre 7, les versets 3 et 4, Dieu avait mis cette interdiction disant, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, en parlant des peuples étrangers, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car il y avait un danger dans tout cela, disait Dieu, car il détournerait de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et il te détruirait promptement. Samson avait la connaissance qu'il ne devrait pas se mêler aux nations étrangères, puisque sa mission, c'était de les détruire. Mais malheureusement, voilà, Samson se retrouve dans une situation où il est allé demander en mariage une fille philistine. Son père et sa mère, malgré qu'ils étaient cherchés pour être capables de dissuader Samson, mais Samson n'a pas pris couleur parce que Samson te dit tout simplement, cette fille lui plaît. Ce n'est pas parce que lui, par contre, que bon Dieu n'a pas fait cette interdiction, mais lui allait tout simplement parce que fille a fait plaisir. Quand nous agissons, est-ce que nous agissons en fonction des ordonnances de Dieu, des principes établis par Dieu, ou est-ce que nous agissons tout simplement parce que nous aimons ce que nous voulons faire, ou tout simplement parce que ce que nous voulons faire paraît agréable à notre yeux, à nos yeux. Chers et frères, chers amis, en ce matin, que nos mobiles soient guidés par l'Esprit de Dieu, que chaque action n'a posé, que c'est la parole de Dieu qui est capable de guider nous pour nous capables d'accomplir ses paroles. Dieu avait mis l'interdiction et aussi bon Dieu te dit mais qui ça qu'a privé si toutefois nous choisis franchir cette ligne. La colère de Dieu la va enflammer contre nous. Samson insistait et sa mère l'était obligée d'aller ensemble avec Samson pour que les capables aller faire demande pour Samson. Mais une chose allait se passer, arrivé à Timna, Samson refia demande faite, 7 jours de festin à fête pour être capable de célébrer ce mariage. Alors, Samson pral lancé yon devinette à tout Philistin qui était là pour capable agacer yon. Li lancé devinette là pour lui chercher, pour lui capable joindre yon occasion pour lui attaquer yon. Et il dit en Juges chapitre 14, le verset 14, m'a proposé nous cette devinette. Et si ça arrivait que nous baille explication, m'a gagné pour nous capable de nous 30 vêtements de rechange. Et sinon, c'est nous-mêmes qui avons fait ça pour moi. Quelle était donc devinette ça? L'idée de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux, parce que tout simplement Samson, pendant que l'étape descend pour la joindre dame sa, fils sa, lui te rencontre un lion, lui tue lion, et la prochaine fois que la retourne ka dame nan, lui te voyon essaim d'abeille, merci, yon essaim d'abeille qui t'a dévoré lion sa, et lui te voyon miel la donne, lui prend miel la, lui pote pour dame nan. Et c'est là qu'il était tiré devinette ça. Malheureusement, monsieur n'est pas en mesure pour être capable de comprendre cette devinette, mais il t'a pas servi de cette femme que Samson lui a relation ensemble avec lui pour être capable de piéger Samson. La femme lui insistait et Samson lui t'a pas réellement prend dans piège là. Puisque monsieur t'a pas expliquer lui devinette là. Et après quoi, Samson était dans obligation pour être capable d'honorer cette promesse. L'étape gagnant pour être capable de tuer 30 hommes. Et l'étape à prendre 20 maillots pour être capable de porter by monsieur Sayo. Mais ça, nous devons comprendre, frères et sœurs. C'est vrai, nous ne pouvons pas lire tout texte, que ce soit lorsque Samson a tué lion, que ce soit lorsque l'a tué monsieur pour prendre vêtement. La Bible précise que l'Esprit de Dieu était avec Samson. L'Esprit de Dieu était avec Samson pour qu'il était capable d'avancer dans cette mission que Dieu lui était bailli. Mais malheureusement, Samson était commencé à écater de la voix de Dieu. Et avant même que la sœur White lui commentait pour le dire, avant même que notre salut était fini, cette femme que Satan avait pris parmi les Philistines en désobéissant aux ordonnances de Dieu, cette femme lui t'a pralé livrer Samson parce que lui t'a pralé trahir la confiance de Samson. Samson estomaqué, lui fâché, lui quitté fia, lui tourné la caille. Et lorsque Samson retourné dans lui-même, lui dit même saut marié, m'a pas quitter madame moi. Samson a retourné. Et là il retourné, il est arrivé dans caille. À ce moment, fia était en marié avec un autre mec. Fia était remarié. Je ne sais pas si nous comprenons, frères et sœurs, ce qui a passé là. Quand, par négligence ou volontairement, nous désobéissons à la voix de Dieu, nous nous exposons à une succession de malheurs et de souffrances. Samson désobéit, lui marié, lui fait colère, lui aller, qu'on y a le tourné, seulement, fille a bientôt remarié. Conséquence de la désobéissance. Fia remariée. Et le pire dans tout ça, c'est pas que Fia t'est remariée seulement. Samson fâché. Fia pas gain droit remariée. Lui retourner la caille et pendant la tourner, lui mettait du feu dans le jardin philistin que lui rencontrait sur route lui l'aller. Les philistins estomaqués, ils ont débarqué caille Fia, ils ont tué. Qui est-ce qui est responsable? Samson. Il faut comprendre, frères et sœurs, chers amis, quand nous choisissons de désobéir à la parole de Dieu, nous pas fait mal seulement à tête nous, mais bien l'autre monde nous a exposé à des dangers, à des malheurs que nous pas jamais réfléchi à nous-mêmes. D'où la nécessité, à chaque fois que nous nos positions pour nous poser une action, nous devons réfléchir grandement à conséquences. Est-ce que nous sommes en relation avec la volonté de Dieu ou est-ce que nous sommes en train de désobéir à la parole de Dieu? Et si ça t'arrive, nous t'en rendons compte que nous avons désobéi à la parole de Dieu et que nous t'avons avancé quand même, nous sommes capables d'avancer, mais avant nous avancer, réfléchis, est-ce que ça n'a fait à la portée atteinte à vie nous seulement ou est-ce que la portée atteinte à vie l'autre monde tout? En pile fois, nous faisons l'autre monde souffrir sans que nous pas réfléchir à ça avant. Mais malheureusement, Samson pas prend conscience de l'action qu'il se posait. Samson retournait et c'était pour Samson une ouverture à la vie de libertinage. À la vie de tout ça, bon Dieu était interdit de faire. Pas de femme étrangère, Samson prend premier, lui remarié, lui quitter Samson, Samson estomaqué, lui commettre la mort, Samson devrait rentrer en lui-même, prendre conscience et demander pardon à Dieu pour continuer dans la bonne voie et accomplir la mission qu'il avait. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au contraire, lui continuer à chercher des femmes philistines pour le capable de marier avec eux. Et le pire dans tout ça, dans Juges chapitre 16, verset 1er, nous allons nous lire verset ça pour nous voir dans quel niveau Samson est tombé. Juges chapitre 1er, verset 16, nous dit Samson partit pour Gaza, il y vit une femme prostituée. Et il entra chez elle. Samson pas seulement à chercher les Philistines, mais à ce moment-là, peut-être c'est déception première fille. Peut-être c'est déception première fille. Samson avancé et maintenant, il pas quitté des femmes qui peut-être pas spirituelles, mais qui morales, mais il est tombé dans des femmes prostituées. Et ce comportement le pral enorgueilli Samson. Samson que l'Esprit bon Dieu te conservé avec lui pour capable mener bataille que bon Dieu te bal mener Samson Konya voulait prendre gloire pour lui-même. Après que Samson l'ait fini tuer les Philistins, il est allé dans la caverne comme pour être capable de recueillir. Mais maintenant, à partir de cette histoire, Samson l'a sauvé la nuit alors qu'il a cherché pour le baril. Mais il n'est pas seulement sauvé. Pendant l'a sauvé, il prend battant porte là, il est allé ensemble avec eux et là il a campé sur une tête montagne. Comme quoi pour dire aux Philistins, moi t'es là, moi aller, si nous capable nous mettre venir joindre moi. Si nous capable nous mettre venir attaquer Satan qu'on y a, Samson qu'on y a qui te stade, bon Dieu a servi avec lui en, il sentit bien trop force, il a avancé. Mais pour finir l'histoire, Samson quitté cette étape de prostituée, il est allé encore vers yon l'autre fille que yon relé Delila. Si yon pas dit an yon sou l'autre moun yon, mais contrairement à Samson, non ta vle dit batailleur qui se symbole de force, mais Samson maintenant s'est marié à Dalila, Delila, Jean yon capable d'il et suivant traduction yon qui se yon symbole de faiblesse. Et cette faiblesse pas capable mélanger à la force que Samson l'était représenté. Et la force de Samson non plus, parce que Samson était désobéi au principe de Dieu, pas capable d'influencer la faiblesse de Dalila. Samson avancé maintenant, loin de Dieu, Samson pral entrer dans le jeu. Samson a joué avec péché. Samson a joué avec désobéissance. Puisque quand nous continuons à lire à deux reprises et même trois reprises, Dalila, que Philistin a servi avec elle pour retrouver la force de Samson, eh bien, il a demandé Samson que force là. Samson baille toute parole qui existait. Mais il était simple. Des premières tentatives là, Samson te doit comprendre que même Jean avec première femme là, cette femme lui te voulait trahir lui aussi. Mais Samson tellement arrivé loin dans désobéissance lui, l'oublier complètement la voix de Dieu, le pas ca ouais ça. Et dans quatrième fois, malheureusement, Samson lui te livré secret ça qui t'a pral fait que Samson li t'a pral connaît des moments difficiles. Mais ça me ramène à histoire là, si pendant tous les combats que bon Dieu t'a ordonné Samson pour mener, la Bible dit que l'esprit de Dieu était avec Samson, mais dans cette phase de sa vie, la Bible nous dit que Samson ne savait même pas que l'esprit de Dieu s'était retiré de lui. Samson a foncé, l'esprit bon Dieu quitte-t-il. Je me demande, est-ce que cela ne nous arrive pas aussi parfois? Quand nous a foncé, malgré conseil, malgré la parole de Dieu qui est là pour guider nous, malgré message, quand nous a foncé dans nos mauvaises voies, est-ce que l'esprit de Dieu pas retiré de nous? Moi, pas ta souhaité ça, bien-aimés frères et sœurs. Parce que quand l'Esprit de Dieu se retire de quelqu'un ou d'un peuple, c'est le chaos. Et ce n'est pas pour sans raison, l'Apocalypse lui dit que quand Jésus lui va presque arriver réellement, méchanceté a tellement monté sur la terre, l'Esprit de Dieu, après que bon Dieu finit sceller les saints, l'Esprit de Dieu lui va retirer de la terre. Et à ce moment-là, ce sera le chaos. Effectivement, c'était le chaos pour Samson. La femme lui était plaît à Samson parce qu'elle était ouais. Mais maintenant, après que Philistin au fin prend Samson, il a coupé cheveux Samson, force l'en aller, première action il posé, il a pété DG Samson. Est-ce que Samson a une belle fille encore? Donc, en pile fois, ça que nous a persisté là-dedans, c'est lui-même qui prend la cause malheur nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons réfléchir. Réfléchir sur notre vie, réfléchir sur notre relation avec Dieu. Mais heureusement, malgré nos péchés, malgré notre désobéissance, malgré un pile fois nous aller et même Jean à Samson oublier si bon Dieu existait, la miséricorde de Dieu est encore là. Et si réellement, à un moment donné, conscience nous seulement t'a frappé nous et nous senti pour nous retourner à bon Dieu, nous fait appel à bon Dieu, les prêts pour le capable tendre nous, les prêts pour le capable venir au secours de nous-mêmes. Et c'est ça qui t'est passé pour la vie de Samson. Samson a maltraité, il a battu Samson, lui-même qui était gagné force, qui t'a campé sous tête montagne là, pour te dire, monsieur, venez si nous capables. Lui-même qui t'a tué lion, lui-même qui t'a tué 30 hommes, lui-même qui t'a tué 1000 hommes. Maintenant, Samson est enchaîné, privé de sa force. Lui-même qui t'a joué avec le péché, avec Dalila, maintenant les Philistins, yo a joué avec Samson. Samson vient tourner, yo marionnette, yo relé Samson pour que lui capable venir, pour lui capable faire vie, pour Samson capable bayo dans langage courant bayo plaisir. Samson a bay monsieur plaisir, mais il n'est pas conscient de ça que lui a fait. Parce que si force lui t'avel, si Dieu lui était bon, c'est pas plaisir t'a bayo, mais c'est mission bon Dieu a l'étape accompli. Heureusement conscience Samson te touché lui. Heureusement, l'Esprit bon Dieu, paraît-il, te font-il retourner joindre Samson pour le rappeler à Samson, souffrance sa koye ya, ce n'était pas le plan de Dieu, mais c'est parce que tu as choisi de désobéir. Alors, Samson t'est entré dans lui-même. Et Samson t'a pral fait une prière extraordinaire. Et maintenant, alors que nous avons réfléchi sur la vie nous chaque, dans la relation nous avec bon Dieu, si toutefois nous sentons cette nécessité, nous pensons même Jean avec Samson, nous capables de faire prière ça. Le dernier texte que nous lisons se trouve dans Juges chapitre 16, le verset 28, pour nous capables d'essayer d'entrer dans la profondeur de la prière de Samson, qui peut-être maintenant capable la prière de chacun de nous. Juges chapitre 16, le verset 28, nous lisons, « Alors, Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Seulement cette fois. Dieu était prêt à accorder à Samson une vie heureuse et une fin heureuse. Mais arrivé dans cette situation, Samson tellement senti que il n'est pas capable encore. Lui dit bon Dieu, même si moi t'a mouru après ça. Mais s'il vous plaît, bon yon ti grâce force nan force sorte bam nan pour me capable tirer vengeance pour mes deux yeux. Et Dieu dans son amour, dans sa compassion, il a répondu à la prière de Samson. Comme vous connaissez tous l'histoire, la force lui était revenue, mais étant aveugle, il s'est appuyé sur les deux poteaux du bâtiment dans lequel se trouvaient tous les Philistins qui alors t'a déshonoré le nom de l'Éternel. Et Samson t'a écrasé le bâtiment, mais malheureusement, Samson t'a mouru aussi. Samson t'a mouru. C'est pas de ça dont Dieu t'a voulu pour Samson, mais désobéissance Samson t'a mené à cette fin terrible. Dieu a un plan pour notre vie. Et bon Dieu prêt pour faire tout ça dépend de lui pour plan ça réaliser. Mais que les plans ça a réalisé, que le capable réaliser avec toute la joie que bon Dieu voulait que nous jouions plan ça. Il n'est pas dans le plan de Dieu pour que moi-même avec vous nous connaissions une fin qui triste. Il est dans le plan de Dieu pour nous capables connaître une fin heureuse. Mais pour nous connaître cette fin heureuse, il faut que nous capables rester dans les principes de l'Éternel. Chaque fois que nous écartons les principes de Dieu, nous mettons vie nous en danger. Et pour ne pas mettre vie nous en danger, nous avons obligation pour nous demeurer dans le plan de l'Éternel. Chers et frères, chers amis, moi connais vie pam. Moi connais erreur que me fait dans la relation ensemble avec bon Dieu. Vous connais vie pauvre, vous connais erreur que fait dans la relation ensemble avec bon Dieu. Et si matin au présent là, c'est parce que encore bon Dieu lui permet que l'esprit la travaille dans nous-mêmes. En nous fait en sorte que l'Esprit de Dieu n'est pas écarté de nous-mêmes. Parce que quand l'Esprit de Dieu est écarté de nous-mêmes, c'est fini pour nous. C'est le chaos. Et si Matthieu a senti nos niveaux pareils, même Jean et Samson, en nous demandant bon Dieu, même si c'est à une seule fois encore, car la parole de Dieu lui dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Si bon Dieu t'a dû sauver nous aujourd'hui, et c'est un moment de repentance dans nous, seulement pour le capable d'inscrire nous dans le livre de vie après ça nous mourir, qu'il fait. Parce que quand Jésus reviendra, nous aurons la possibilité de vivre éternellement. Que matin ça, bon Dieu est capable d'aider nous pour nous capables de réfléchir sur qui côté nous y est avec dans la relation que nous gagnons ensemble avec lui. Combien de fois nous t'ai abandonné ces principes? Combien de fois nous t'ai désobéi à ces principes? Et pensez, au-delà de nos erreurs, au-delà de notre faiblesse, il y a la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est à notre disposition. En nous saisissant pour bon Dieu capable d'imprégner la vie nous, pour que nous capables continuer non seulement amener vie nous avec l'espérance de la vie éternelle, mais pour nous accomplir la mission que bon Dieu lui bail à nous chaque qui là, qui c'est aller gagner des âmes pour lui-même par moyen que lui mettait à disposition nous. Samson, c'était la force qu'il te bali. Ou même bien doit c'est le talent de chanter. Ou même bien doit c'est le talent de prêcher. Ou même bien doit c'est le talent de conseiller. Ou même bien doit c'est le talent de partager son gain avec l'autre monde. Bon Dieu baou. Quel que soit ça, bon Dieu bon là, qu'on ait une grande mission pour accomplir, mais cette mission, souvelez qu'on ait une fin heureuse, faut qu'on accomplisse en fonction des principes de Dieu. Demeurons dans la voie que l'Éternel a tracée pour nous et que notre fin soit heureuse, non pas comme celui de Samson, mais comme le veut l'idéal de Dieu, une fin où la souffrance, la mort, les papes là encore. Et s'il t'est arrivé que pour une seule fois, bon Dieu t'a permis nous conscients de côté nous y avec, nous retourner avec, et ça t'est arrivé même à Samson, nous mourir, mais que le Jésus vini, nous capables de gagner la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse.